Marco Douiman. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. On voudra bien nous excuser pour ce léger retard. Voici les grands titres de cette édition pour ce 18 mars 2022. L'Institut national de sécurité sociale explique la suspension temporaire en janvier 2022 de l'octroi de la pension anticipée pour convenance personnelle par des lacunes de la loi et des tricheries constatées, ce qui est loin de convaincre les bénéficiaires qui se sont confiés à nos reporters. Vous l'entendrez. Et le Burundi se dote d'un appareil médical hautement performant, l'imagerie par résonance magnétique IRM installée à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi. Notre correspondant nous donne les détails sur ses performances. Manque de fertilisants FOMI toujours dans l'actualité. Les agriculteurs de la province Ngozi se plaignent du retard mis pour le semis de cette saison culturelle B. À cause de cela, certains agronomes sont également conscients de ce grand retard. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Institut national de sécurité sociale a suspendu temporairement en janvier 2022 l'octroi de la pension anticipée pour convenance personnelle. Les concernés par cette mesure trouvent qu'elle est injuste du moment que c'est un droit reconnu par la loi de 2020 portant code de protection sociale au Burundi. L'un d'eux qui s'est confié à la rédaction Isanganiro dit ne pas être convaincu des raisons avancées par l'INSS. À savoir que cette suspension vise la correction des erreurs observées dans l'octroi de cette pension. Suivez-le, il est traduit par Jérôme Hakiziman. Ça fait 3 mois que nous ne percevons pas notre pension sans aucune raison. Ils disent qu'ils corrigent certaines erreurs. Or, la loi signée par le président est claire. Cette loi prévoit qu'un affilié ayant 55 ans sans emploi peut demander à l'INSS de commencer à percevoir sa pension. Nous, on a été reçus, on a les numéros de dossier et on avait déjà commencé à en bénéficier. Ça faisait 1 an que je perçois cette pension, car mon boulot s'est arrêté en 2020. Ça fait 3 mois qu'on ne rembourse pas nos crédits contractés auprès des banques. Les intérêts ne cessent d'augmenter. Qui va alors payer ces taux d'intérêt? Est-ce nous ou c'est l'INSS? Dire d'écrire à nos employés pour demander la retraite anticipée, c'est impossible. Le directeur général de l'INSS, qu'il nous donne notre pension suspendue pour rembourser nos dettes contractées auprès des banques. L'INSS reconnaît avoir réellement constaté des erreurs dues à l'opacité de certaines dispositions de la loi. Le chef du service pension à cet institut, Hervé Guiriman, note par ailleurs des tricheries imputables aux présumés bénéficiaires de cette pension. Suivez ses explications. Il s'est avéré que dans l'octroi de cette pension, il y a eu des irrégularités qui ont été émises lors de l'octroi de cette pension. Je peux donner quelques exemples. Suivant l'article qui avait fait polémique sur cette octroi de cette pension, c'est l'article 75 du Code de protection sociale qui stipule très bien que l'assuré peut demander une retraite anticipée pour convenance personnelle 5 ans avant l'âge de la retraite. Là, alors, on doit faire une nuance entre la retraite et la pension, parce que la retraite, ça engage le travailleur et l'employeur, tandis que la pension, c'est le substitut du salaire de celui qui a cotisé pour sa pension. Alors, pour notre cas, on a constaté que dans l'octroi de cette pension, même celui qui a été révoqué, même celui qui a été licencié pour des raisons économiques ou techniques, est venu demander cette pension anticipée pour convenance personnelle, alors que ce n'est pas pour convenance personnelle. C'est pour cela alors qu'on a voulu corriger ces petites erreurs qui se sont manifestées lors de l'octroi de cette pension. Donc, il y a 3 types de retraités qui ont été suspendus temporairement. Alors, le premier groupe, ce sont les retraités qui ont reçu cette pension anticipativement, alors qu'aujourd'hui, ils ont déjà atteint l'âge de la retraite. Pour cela, on fait de notre mieux pour pouvoir les rétablir dans leurs droits. Pour ce mois de mars, ils vont être rétablis dans leurs droits. Tandis que ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, ils vont devoir attendre jusqu'à l'âge de la retraite pour pouvoir prétendre à une pension au niveau de l'INSS. Hervé Bigirimana, c'est le chef du service pension à l'Institut national de sécurité sociale. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une somme avoisinant 65 milliards de francs burundais est nécessaire pour pouvoir réaliser les projets du plan communal de développement communautaire 2020-2024 de la commune Mouha, mairie de Bujumbura. Précision de Véniste Ndabagoye, conseiller technique en charge des affaires économiques et développement de cette commune. Il signale également que parmi les grands projets figure la réhabilitation des infrastructures scolaires, la distribution de l'eau et de l'électricité dans les quartiers de cette commune qui n'en ont pas. On fait le point avec Jean-Marie Mayong. Ces projets de développement communautaire pour la commune Mouha, en grande partie, ont été présentés par la population. Le conseil technique, économique et développement, Véniste Ndabagoye, précise que ces communes n'ont pas d'autonomie financière et en cas de besoin, elles recourent à la mairie et si possible, s'adressent aux partenaires financiers. Parmi ces projets, la commune Mouha a mis en avant la réhabilitation des infrastructures scolaires et la distribution de l'électricité et de l'eau dans les quartiers qui n'en ont pas. Parmi ces projets, figurent les projets de renforcer les infrastructures scolaires et aussi les projets de protéger les rives, surtout là, sur les rivières qui passent dans son commune, en plantant des arbres. Ainsi, il y a des ravets aussi qui menacent la commune. On a aussi le projet de distribuer de l'eau et d'électricité dans les quartiers qui n'en ont pas. Vu son projet, le coût se lève à 65 824 millions. Véniste Ndabagoye reste optimiste que si le montant prévu pour l'exécution de ces projets, une fois être disponible, que ces projets seront bien réalisé. Les communes de la mairie, jusqu'à maintenant, n'ont pas d'autonomie financière. Tout ce qu'ils font, ils demandent à la mairie. Alors, mais nous avons eu la chance, à partir de TPF et les partenaires financiers, avec les PDR, on a fait un plan communal de développement communautaire. C'est dans son plan qu'on tient des projets que la commune va faire durant cette période de 5 ans. Les projets qui se trouvent dans le plan communal et de développement communautaire seront exécutés dans chaque commune du pays, et cela pour une durée de 5 ans. Jean-Marie Mayonga. La direction de l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi se réjouit de l'équipement de cet hôpital en appareils de haut niveau comme l'imagerie par résonance magnétique qui vient d'arriver. Un appareil de haute imagerie est donc plus performant que le scanner et qui n'existait nulle part au Burundi. Le médecin directeur fait savoir que l'appareil aidera les patients de tout le pays et de toute la région. Les précisions sur ses performances avec notre correspondant Blaise Pascal Kararumi. Comme l'indique le médecin directeur de l'hôpital du cinquantenaire du chef-lieu de la province Karoussi, l'hôpital a eu ce mercredi un appareil qu'il qualifie de haut niveau d'exploration du corps humain, appareil appelé IRM, imagerie par résonance magnétique en toutes lettres. Docteur Proté Balibalira explique que cet appareil IRM permet de visualiser avec une grande précision les tissus et organes mous dans différents plans de l'espace. Il permet aussi de déterminer la position exacte des lésions autrement invisibles. Il informe que l'appareil en question est plus performant que l'appareil scanner qui est reconnu dans cet hôpital et pour certaines explorations du corps humain. Les activités d'installation de l'appareil sont en cours depuis son arrivée ce mercredi. Le médecin directeur remercie le gouvernement qui a songé équiper cet hôpital de cet appareil IRM qu'on ne trouve pas dans d'autres hôpitaux du pays, le premier dans le pays comme le signale le même responsable sanitaire. Il indique que cet appareil va servir même la région où se trouve le Burundi et que l'hôpital va en profiter aussi pour renflouer ses caisses. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous à Kirundo. Plus de 90% des cas de violences commises à l'endroit des femmes en province Kirundo s'observent dans les communes de Wusoni et Bugabira, d'après le responsable du Centre de développement familial et communautaire de Wusoni. Il précise que certaines femmes sont victimes de violences au moment où elles sont en train de réclamer leurs droits. L'organisation Soi Burundi, chargée du suivi et accompagnement des séropositives, demande à l'administration d'infliger des sanctions rigoureuses à l'endroit de ces hommes et surtout à ceux qui font la polygamie sous prétexte que leur religion les y autorise. Abraham Safari. Comme l'a précisé Janvier Machoumi, responsable du Centre de développement familial et communautaire en commune de Wusoni, dans la province de Kirundo, les types de violences basées sur le genre commises dans le ménage sont multiples. Les statistiques montrent que plus de 90% des ménages sont situés dans les communes de Boussoni et Bougavira. Certaines causes de ces violences sont entre autres l'émancipation de la femme qui fait objet du conflit entre la femme et son mari. Il arrive des fois même où certaines femmes sont tuées, d'autres grièvement blessées. D'autres sources de violence sont la polygamie chez les hommes, surtout les musulmans qui justifient cet acte par la religion, ainsi que les hommes qui gardent encore leur propre culture, que frapper les femmes est une estime pour les hommes dans les foyers. Docteur Angélique Kendio-Kubgayo, qui avait représenté l'association Soi Burundi dans son projet Guilité K soutenu par l'ONG USAID, qui avait organisé un atelier de sensibilisation à lutter contre les violences basées sur le genre, a demandé dans son allocution au gouvernement burundais via l'administration de s'impliquer activement dans la lutte contre toutes sortes de violences, surtout basées sur le genre, et sanctionner les hommes qui malmènent leurs femmes alors que ces dernières sont source de vie et de tout développement. Certains participants ont demandé des sanctions à l'endroit des administratifs à la base qui font la polygamie d'une façon clandestine et demandent qu'ils soient limogés de leurs fonctions. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, les agriculteurs de la province Ngozi se plaignent du retard mis pour le semis de cette saison culturelle B à cause du manque de fertilisants FOMI. Certains disent avoir semé sans engrais après un mois de présence quotidienne aux entrepôts où ils devaient s'approvisionner. Émile Bakizouranvier, directeur AI du bureau provincial en charge de l'agriculture, indique que les quantités demandées à Ngozi n'ont pas été toutes acheminées car les engrais de type Imbura sont à 87% alors que les engrais type Totahaza sont à 26% seulement. La situation se présente ainsi au moment où certains agronomes parlent de grand retard dans le semis pour cette saison culturelle. Différentes institutions au service de la population, ne remplissant pas leur mission, méritent d'être suspendues. Déclaration ce jeudi de Domine Banyangimbona, ministre de la Justice. C'était lors d'une rencontre avec les justiciables de la province Makamba. Entre autres préoccupations exprimées par la population, c'est notamment les litiges qui n'ont pas encore été tranchés par la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, dont le mandat vient de toucher à sa fin. Et c'est en outre une commission de sommet de remettre à la présidence de la République les biens matériels à sa disposition. Et en international, une controverse est née au Kenya cette semaine en raison du silence des autorités sur la mort de soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, dans une attaque. Il se trouve que le frère de l'un des soldats tués est un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a publiquement déploré l'absence de commentaires ou dommages de la part du gouvernement. Et cette attaque a eu lieu lundi, non loin de la frontière, dans la région somalienne de Gedo. Selon des médias locaux, un camion militaire kényan dans un convoi de l'AMISOM, ravitaillant la Somalie en eau, a sauté sur un engin explosif, tuant entre 7 et 9 soldats, selon les sources, et en blessant 5, tous hospitalisés à Nairobi. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. L'Institut national de sécurité sociale explique la suspension temporaire en janvier 2022 de l'octroi de la pension anticipée pour convenance personnelle par des lacunes de la loi et des tricheries constatées, ce qui est loin de convaincre les bénéficiaires qui se sont confiés à nos reporters. Et le Burundi vient de se doter d'un appareil médical hautement performant. Il s'agit de l'imagerie par résonance magnétique IRM installée à l'hôpital du cinquantenaire de Karusi. Vous avez suivi les détails sur ses performances avec notre correspondant. Et manque de fertilisants FOMI toujours dans l'actualité. Les agriculteurs de la province Ngozi se plaignent du retard mis pour le semis de cette saison culturelle B à cause de cela. Et certains agronomes sont également conscients de ce grand retard. 13h12 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco d'Ouimana, passez un très bon après-midi.